France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Le Grand Bleu de Luc Besson. Coulisses et secrets d'une aventure cinématographique où le succès l'a finalement emporté sur les critiques. Moment de cinéma unique en son genre. Le Grand Bleu reste 35 ans après sa sortie en salle, une ode à la nature, à un voyage poétique, à la découverte d'un monde silencieux et magique. Le film raconte l'histoire d'une amitié entre deux hommes, deux plongeurs en apnée qui repoussent toujours plus loin les limites de leur corps pour aller jusqu'au bout de leurs rêves, quitte à flirter avec l'ivresse des profondeurs et s'approcher toujours un peu plus près de la mort. Un budget hollywoodien, des décors sublimes, de jeunes acteurs à l'énergie débordante, un réalisateur passionné, sur le papier. Le synopsis du Grand Bleu a tout pour séduire. Mais lors de sa présentation au Festival de Cannes en 1988, il s'attire les foudres de la critique. Un épisode d'une rare violence qui aurait pu condamner le film et mettre un terme à la carrière du réalisateur. Et pourtant, c'est bien ce même long métrage, tant critiqué, qui se retrouve ensuite acclamé par les spectateurs au cinéma. Le Grand Bleu, c'est plus de 14 millions d'entrées en salle à travers le monde et un statut de film culte pour toute une génération de spectateurs. Exemple emblématique de la dichotomie entre la perception du public et celle des professionnels de la profession. Notre invité aujourd'hui, Guillemette Audicino, journaliste et critique cinéma pour Télérama et que vous entendez chaque vendredi matin dans l'émission d'Ali Rebéi pour sa chronique intitulée « L'ami du vendredi ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Cara. Coordination, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Vous venez de parler de Besson, qui a fait Subway, qui est un film tout à fait intéressant et important. Avec lequel vous travaillez en ce moment, je crois. Avec lequel nous travaillons en ce moment sur un projet, alors là, un très grand projet. Un peu fou, non ? Oui. Gros budget. Oui. Le Grand Bleu, c'est le titre, et je pense qu'il n'y a pas de raison de changer de titre. C'est une histoire d'une amitié entre deux plongeurs qui se passe fondamentalement sur les côtes méditerranéennes. Donc c'est un sujet européen, en plus il s'agit d'un plongeur existant, d'un plongeur français. C'est un énorme budget. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire une coproduction avec les Américains. C'est un sujet dont parlent très souvent les Européens. Jusqu'à présent, on en a plus souvent parlé qu'on a réussi à le faire. J'espère que dans le cas présent, on va réussir à le faire. La scène que vous venez d'entendre se passe dans les studios de France Inter à la fin du mois de novembre 1987. Ce soir-là, le journaliste Jacques Chancel reçoit Nicolas Sédoux, président de la société de production Gaumont. Personnage parmi les plus influents et les plus puissants du cinéma français, Nicolas Sédoux se livre, au hasard d'une réponse, à une confidence sur l'un des tout prochains films qu'il produit. Un long métrage qui aura pour titre Le Grand Bleu et dont le réalisateur est le cinéaste Luc Besson. Si Sédoux parle d'un projet un peu fou, c'est qu'il avait compris que le tournage aurait lieu en piscine. Alors quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il a découvert que les scènes aquatiques du film sont en réalité tournées en pleine mer et par 30 mètres de fond. Pour confectionner Le Grand Bleu, Nicolas Sédoux et Gaumont ont mis sur la table 75 millions de francs, l'équivalent aujourd'hui d'un peu plus de 20 millions d'euros. Un budget colossal pour l'époque et à l'échelle du cinéma français. Une somme pourtant nécessaire pour permettre à Luc Besson d'assouvir les rêves de grandeur de son scénario et de pouvoir tourner aux quatre coins du monde, des États-Unis jusqu'aux rives de la Méditerranée en passant par la cordillère des Andes. Du film en lui-même, on ne sait pour l'instant pas grand-chose. Si ce n'est qu'il serait encore en tournage, un mystère qui aiguise l'intérêt des journalistes autant qu'il attise la curiosité du public. Oh Jacques, parle-moi encore. Raconte-moi une histoire. Une histoire ? Tu sais que ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes, tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus. Là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elle, rester avec elle pour l'éternité, alors, elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. S'il est sincère, s'il est pur, et si tu leur plais, alors elles t'emmèneront pour toujours. À 28 ans et avec seulement deux films à son actif, Luc Besson, autodidacte débarqué à Paris sans relation, sans diplôme et sans argent, est devenu un cinéaste en vue. Ses succès, quoique décrits par certains journalistes comme accidentels ou étonnants, lui permettent d'avoir carte blanche. Avec un style identifiable au premier regard, Besson casse les codes de la narration, des plans de caméra et des dialogues. Son travail derrière la caméra fascine autant qu'il divise la presse. Dans le monde du 7e art, plusieurs de ses pairs considèrent qu'à force de brûler les étapes, il finira par se brûler les ailes. D'autres, au contraire, estiment que Besson apporte un vent de fraîcheur au cinéma français. Et c'est le cas du réalisateur Bertrand Blier, pour qui Besson a le mérite d'oser faire les films dans lesquels il croit. Il a un monde à lui qu'on peut critiquer, mais il fait les choses vraiment à fond. C'est-à-dire que, parce que faire le Grand Bleu, il faut quand même être très sérieusement allumé. Mais il l'a fait ça répond à aucune théorie. Hein, ça, c'est vraiment une vision d'un gamin quoi qui aimait la flotte. Hein, il a fait un film sur la flotte. C'est formidable. Même Lelouch est un mec comme ça. Il fait des trucs. Alors bon, parfois on hurle. On n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il fait. Mais il y va. Et il se lance dans des choses hallucinantes. Moi, je trouve ça sympathique. Plutôt que de faire des produits culturels bien huilés, bien vaselinés, avec des jolies reconstitutions. Ça m'énerve profondément. Alors, Luc Besson anticonformiste ? Une chose est sûre, il est bel et bien bankable. En témoignent les excellents résultats en salle de ses deux premiers films, Le Dernier Combat et surtout Subway, avec Christophe Lambert et Isabelle Adjani, 3 Césars. Lorsqu'il se lance dans l'écriture du scénario du Grand Bleu, Besson prend une revanche sur sa vie. Car voilà l'aboutissement d'un rêve. Un rêve qui s'était brisé 10 ans plus tôt dans les eaux de la Méditerranée. Adolescent, il avait un seul objectif, devenir moniteur de plongée. Sous la surface des eaux turquoises de la Grèce, de l'Italie, de la Yougoslavie, Besson, le gamin qui n'avait pas de copain, avec qui jouer, vit alors entouré de ses amis, les poissons. Une histoire qui, pourtant, vire au cauchemar par un après-midi de l'été 1977, comme il le racontera au micro de France Inter quelques années plus tard. Première passion et premier rêve brisé, puisque il y a eu un accident de plongée quand vous aviez 17 ans. Ouais. Il vous a meurtri. Bah oui, parce que je me suis retrouvé un jour dans un hôpital et quelqu'un m'a dit « vous ne pourrez plus plonger ». Alors comme moi, je ne voyais pas ma vie autrement qu'en combinaison. De plonger. De plonger. Oui, pas en soi, avec des petites jartelles. Oui, c'est d'un seul coup, c'est une réalité. Une réalité de la vie. C'est-à-dire, j'étais complètement dans un nuage ou dans un lit de bulles. Et je me suis rendu compte d'un seul coup de la vie en me disant, qu'est-ce que je vais faire ? Il va falloir que je travaille. Et je me suis pris vraiment une grande claque. En plus, comme ça correspond à l'adolescence, qui est généralement la période où on se prend ce genre de claque, là, elle était vraiment double. C'est donc à cause d'un accident qui a failli lui coûter la vie que Besson abandonne la plongée et se tourne vers le cinéma. Frustré, il se promet de réaliser un film exutoire de son rêve brisé. Un film qu'il ne fera ni pour la gloire, ni pour l'argent, et ce sera Le Grand Bleu. Quelques temps plus tard, c'est la rencontre avec un homme unique en son genre, Jacques Mayol, qui va inspirer à Besson le scénario de son long métrage. Dans le monde de la plongée en apnée, Mayol est une légende. En 1983, il est descendu sans matériel et donc sans oxygène à plus de 105 mètres de profondeur. Le plus beau, c'est qu'il est remonté en compagnie de deux dauphins. Son entraînement constant, son hygiène de vie irréprochable et sa philosophie fascinent Besson qui en fera le personnage principal de son film, un personnage interprété par Jean-Marc Barr. Lui, qui est-ce ? Mayol. Jacques Mayol. Il respire comment ? Jacques ? Il respire pas. Si aujourd'hui l'image du grand bleu se fond et se confond avec le noir profond des yeux de Jean-Marc Barr, l'acteur était pourtant loin d'être le premier choix de Luc Besson lors des castings. Si le cinéaste s'est très vite tourné vers Jean Reno, avec qui il avait déjà travaillé sur Subway pour incarner le personnage d'Enzo Molinari, qui s'inspire lui-même d'un plongeur apnéiste italien, le réalisateur se retrouve dans une situation complexe pour trouver l'acteur qui incarnera le rôle principal du Grand Bleu. Besson pense d'abord à Christophe Lambert. Celui-ci décline. Puis Gérard Lanvin, qui ne se sera pas capable de tourner sous l'eau. Besson prend ensuite contact avec l'acteur américain Mickey Rourke, alors au sommet de sa carrière. La rencontre entre le cinéaste et l'acteur américain a lieu dans un bar. Rourke débarque avec sa carrure de déménageur, une cigarette à la bouche. Si Besson aime l'homme et son jeu d'acteur, il comprend d'emblée que l'américain n'est pas fait pour le rôle. C'est lors d'un casting dans une chambre d'hôtel à Londres que le cinéaste rencontre Jean-Marc Barr, venu à l'audition presque par hasard. Lorsqu'il voit Besson assis, l'acteur éclate de rire. Besson lui demande pourquoi. Barr lui lance « Bah mais t'es jeune toi !» Le cinéaste répond « Tu préfères que je revienne dans 10 ans ?» Bon, l'échange est banal, mais cette rencontre marque le cinéaste. Barr a le physique, la simplicité, le sourire d'un certain Jacques Mayol. Après quelques essais, le réalisateur est certain qu'il vient enfin de trouver celui qui incarnera le premier rôle de son Grand Bleu. L'actrice Rosanna Arquette viendra compléter le trio principal d'acteurs. Bien, le casting terminé, se pose alors un tout autre problème, celui des droits. Lorsque l'acteur et producteur hollywoodien Warren Beatty entend parler du projet du Grand Bleu, quelques années plus tôt sur le tournage de Subway, il aime l'idée et il décide d'acheter les droits à Besson. Il signe un chèque de 25 000 dollars pour développer l'idée. En échange, il est propriétaire du scénario de Grand Bleu. Sur le papier désormais, rien ne peut se faire sans son accord. Or, Betty est un personnage compliqué et à l'humeur variable. D'ailleurs, il se fâche avec Besson car il n'est pas satisfait du script. Puis il vend ses droits à la compagnie de production Fox. Or, au même moment, Gaumont tente de s'entendre avec la société Warner pour acquérir également les droits restants à Besson. Cette situation crée un véritable imbroglio et rend le film impossible à produire, comme l'explique Besson. Alors que je n'avais pas encore fini la première mouture du scénario, il y a eu toute une histoire, bon, que je raconte bien en détail dans le bouquin, mais par un concours de circonstances, je me suis retrouvé dépossédé des droits avant même d'avoir fini le scénario. Extraordinaire. Ouais. Et je m'en suis en plus rendu compte que 6 mois après. Et là, ça a été une galère parce que je n'avais plus les droits. Personne n'était officiellement... Ouais. Habilité à faire le film sans les accords des autres. C'est-à-dire qu'eux ne pouvaient pas le faire non plus sans moi puisque j'étais l'auteur, mais je ne pouvais moi pas le faire puisque quelque part ils les avaient achetés. Finalement, le tournage commence au mois de mai 87 au Lavandou. Il se poursuit en Italie et en Grèce. Mais l'excitation des premiers jours laisse vite sa place à l'angoisse et à la tension sur le plateau. Au bout d'une semaine de travail, Besson découvre que les images sous-marines, filmées par des caméras créées pourtant spécialement pour le Grand Bleu, se révèlent inutilisables. Mais ça veut dire qu'il faut tout refaire. Or, Gaumont demande au réalisateur de faire des économies sur la pellicule classique. Et comme tout est filmé en extérieur, l'équipe se retrouve tributaire de la météo, très changeante en Méditerranée. En Grèce, par exemple, à cause du vent et parfois du brouillard, les journées de tournage sont reportées. Certaines scènes et certains décors doivent être réadaptés à la dernière minute. De surcroît, perfectionniste, Besson n'est pas satisfait des scènes qu'il tourne. Alors on s'y reprend à multiples reprises. Bon, beaucoup de cinéastes fonctionnent comme ça, mais face à la caméra et en dehors, l'entente entre Jean-Marc Barr et Jean Reno n'est pas parfaite, ce qui est peut-être plus gênant. D'autant que de son côté, Rosanna Arquette n'en fait qu'à sa tête. Anecdote qui en dit long. Lors du tournage d'une scène en voiture où les acteurs refusent d'appliquer ses consignes, Besson entre dans une colère noire et quitte le plateau du Grand Bleu. Afin de rattraper le retard perdu à cause de la météo, l'équipe du film enchaîne des journées de 12 heures. Quant à Jean Reno, qui incarne Enzo Molinari, il est avec son rôle carrément sous l'eau. Déjà, la difficulté de le monter, nous, on a mis un an et demi... Oui, la préparation. La d'abord. Préparation, parce qu'il fallait plonger assez profond. Parce que Luc m'a dit, je ne veux pas faire comme dans les James Bond. Je ne veux pas que si je panote vers l'eau avec ma caméra, j'attrape la surface de l'eau. Il faut que l'on pense qu'on est vraiment très profond. Et donc, tout s'est tourné autour de 30 mètres de profondeur. Donc, il fallait y aller, quoi. Je veux dire, il fallait avoir au moins 2 minutes et demie. On est arrivé à 3 minutes d'apnée, mais il fallait avoir au moins 2 minutes et demie. Et combien faisiez-vous avant? Rien du tout. 30 secondes, quoi. Mais comme tout le monde, c'est dire. Ça, c'est ça. Mais ça s'apprend, vous savez, c'est un exercice. Le cœur suit, et puis le cerveau, quoi, je veux dire. L'envie de le faire fait que vous le faites. Et puis ce dialogue avec la mer, il y a des choses assez mystiques. Et vous l'avez senti profondément, ça? Ah oui, complètement. Il y a des choses. Parce que Luc Besson, c'est normal, puisqu'il vit avec la mer. Mais si Luc a une qualité, c'est celle de vous faire partager exactement son rêve. Chaque soir, après le tournage, l'équipe se réunit dans la chambre d'hôtel du réalisateur. Besson avouera plus tard qu'il n'avait jamais ressenti une pression pareille. Chef d'orchestre d'un tournage qui prend du retard et se complexifie de jour en jour, rend la tâche stressante, usante. 9 mois plus tard, et malgré les réductions de budget, les couacs, les problèmes techniques et les aléas de tout genre, le tournage du Grand Bleu se termine. Besson a désormais entre les mains plusieurs centaines de bobines de films à dérocher. Quand tu plonges comme ça, qu'est-ce que ça te fait? C'est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas. Pourquoi? Il faut une bonne raison pour remonter. J'ai des fois du mal à en trouver une. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl, she said no more, and that blue-eyed. Aujourd'hui, Le Grand Bleu. France Inter, affaires sensibles. France Inter. Ouverture traditionnelle ce soir donc à Cannes avec un film hors compétition, un film français, Le Grand Bleu de Luc Besson. Un film mystère, pas de photos, pas de projection privée. Tout ce que l'on en sait, c'est qu'il a tout coûté 75 millions, ce qui est beaucoup, que le tournage a duré 9 mois, ce qui est long, et que la principale vedette en est la mer et le cadre, la plongée sous-marine. Mercredi 11 mai 1988, Cannes. Ambiance de gala pour une matinée pleine de strass et de paillettes sur la croisette. Main dans la main, l'équipe du Grand Bleu marche sur le tapis rouge du Palais des Festivals pour l'ouverture de cette 41e édition. Dans moins d'une heure, le film de Luc Besson sera projeté en avant-première et hors compétition. Lorsqu'ils sont descendus de voiture quelques minutes plus tôt, Luc Besson, Jean Reno, Jean-Marc Barr et Rosanna Arquette ont fait sensation. Rosanna Arquette d'abord, grâce à une robe Vichy à carreaux noirs et blancs et à un petit chapeau, tenue jugée trop sexy et très mal appareillée par une journaliste. Et puis les trois hommes, avec leur même smoking de cérémonie bleu océan et leurs deux papillons. À leur côté, on reconnaît Nicolas Sédoux, le producteur, l'apnéiste Jacques Mayol, dont la vie a inspiré le scénario, l'actrice Anne Barillot, la femme de Besson, et Éric Serra, compositeur de la bande originale du film que vous entendez là, en arrière-fond, musique que les organisateurs font jouer lors de la montée des marches. Poignée de main moite et sourire crispé, Luc Besson tente de cacher sa fatigue et son appréhension face aux caméras et aux photographes. Le réalisateur vient de passer les 5 derniers mois enfermé dans une petite salle de montage dans la banlieue parisienne. Le choix de présenter Le Grand Bleu en avant-première du Festival de Cannes était une idée de Gaumont, pas de lui. 4 heures de sommeil par nuit, un cocktail de médicaments prescrit par un médecin pour tenir le coup et des journées de travail interminables pour visionner, couper, ajuster les centaines de bobines. Ensuite, mixer le son, étalonner les couleurs, le doublage pour la version française, car le film a été tourné en anglais. C'est la première fois qu'après tout ce travail, Luc Besson vient à Cannes pour l'un de ses films. Des années plus tard, il reconnaîtra qu'il ne connaissait pas grand-chose à la dramaturgie du festival. Cannes a cette particularité qui me fait penser aux arènes romaines. Voilà, on va au spectacle voir les chrétiens se faire dévorer par les lions. C'est à peu près ça, quand même. C'est-à-dire que les gens qui vont à Cannes, surtout les premiers jours, après, ils se calment un petit peu, parce que, bon, le jeu n'est pas très drôle. On a vraiment l'image... Il y a d'autres têtes de Turcs qui arrivent dans le programme. On a vraiment l'image des gens qui aiguisent leur couteau. Vous étiez le petit chrétien, vous. Voilà, moi, j'étais le petit chrétien. Salut, j'ai vu de la lumière. On a vraiment le sentiment des gens qui aiguisent leur couteau, et Cannes, c'est fait pour ça. C'est un endroit de terreur où on sait qu'on va se faire secouer comme un prunier. Et c'est comme ça. Voilà plusieurs jours qu'en coulisses, dans les halls d'hôtels, à la terrasse des restaurants ou en off des plateaux télé, des voix se montrent très critiques sur Besson et sa bande. Eux, ce sont des journalistes habitués du microcosme de Cannes et de leurs privilèges. Des vedettes de la critique qui ont pris l'habitude de voir les films avant tout le monde et donc de pouvoir donner leur avis avant les autres. C'est leur métier, un métier utile, un rempart au marketing. Le fait que Besson ait refusé une projection pour la presse avant l'avant-première n'a pas plu. Piqué au vif, certains journalistes lancent alors la rumeur folle qu'il s'agit là d'une stratégie commerciale pour susciter l'intérêt du public et au passage déposséder les critiques de leur travail. Besson, on l'a dit, entretient depuis ses débuts une relation compliquée avec la presse. Lui considère qu'elle n'est pas respectueuse de son cinéma. Elle, la presse, estime que Besson est un réalisateur trop susceptible, trop idéaliste et surtout trop anticonformiste. Il est décrit comme mal à l'aise, distant, fermé. Aucun parmi les critiques ne tempère ses attaques contre le réalisateur du Grand Bleu. Personne non plus, parmi eux et elles, ne s'excusera lorsqu'on découvrira plus tard que le jour de la montée des marches à Cannes, Luc Besson traversait une épreuve personnelle terrible. Sa fille Juliette, âgée d'à peine 1 an, a dû être opérée du cœur. Une intervention de la dernière chance. Ce mercredi 11 mai 1988, il est un peu plus de 11h, lorsque le grand auditorium du Palais des Festivals de Cannes plonge ses 2400 spectateurs dans l'obscurité et le silence. Quelques instants plus tard, sur un rectangle de lumière de 20 mètres de diagonale, apparaissent les premières images en noir et blanc du Grand Bleu, accompagnées par les premières notes de la musique du film. La scène d'ouverture est celle de la rencontre entre deux gamins qui se disputent le sort d'une pièce de monnaie tombée par mégarde dans l'eau. C'est de ce duel enfantin que se construit le reste de la narration et l'incroyable relation d'adulte qui unit les deux principaux personnages du film, Jacques, Jean-Marc Barr, et Enzo, Jean Reno. C'est fantastique! Il est descendu à 108 mètres. Enzo! Félicitations, Jacques. C'est magnifique, magnifique. Je suis fier de toi. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ? Des petits cadeaux, presque rien. Je le savais. Je l'avais deviné. Tu vois que j'avais raison de te faire venir ici. Te voilà champion du monde. Regarde, voilà ton record. Tu m'as battu d'un mètre. Vu d'ici, la distance paraît dérisoire, tu trouves pas? C'est étrange. Garde ce petit mètre, mon ami. Ça te fera un souvenir quand tu perdras ton titre. Au bout de 75 minutes de projection, alors que le film n'en est qu'à la moitié, première messe basse dans la salle. Puis que c'est long, lance sans ménagement certains journalistes. Puis un quart d'heure plus tard, Ferrare et Simacan, de petits groupes de personnes se lèvent et quittent l'auditorium. Au bout de 2h45, lorsque le générique de fin du Grand Bleu apparaît sur l'écran, on entend autant de huées que d'applaudissements. La suite s'écrit dès le lendemain matin en une des journaux et des magazines. Le Grand Bleu, un film qui boit la tasse, scande l'Est républicain. Grand Blues sur la Grande Bleue, titre Libération dont le journaliste résume avec ironie, Luc Besson traite l'écran de cinéma comme la vitre d'un aquarium. La presse est au diapason. Le Grand Bleu est une catastrophe. Il va couler Besson et Gaumont avec. Comble de la situation, une journaliste d'un quotidien anglo-saxon contacte Luc Besson pour lui dire qu'il va écrire un super papier sur le film. Besson, surpris évidemment, lui demande « Donc, vous, au moins, vous avez aimé le film ?» Alors la journaliste lui répond « Non, non, ma rédaction n'a pas aimé du tout. Mais comme tout le monde défonce ton film, on s'est dit qu'on allait le soutenir, ça fera vendre notre journal. » Et sur les plateaux de télé, les critiques de cinéma se lâchent. Et c'est la surenchère. Lors d'une émission spéciale consacrée à Cannes et à laquelle sont invités Gilles Jacob, le président du festival, et l'actrice Rosanna Arquette qui joue dans le film, un journaliste se lance dans un réquisitoire en direct. C'est une histoire très courte à l'intérieur du long, long film de Luc Besson, 2h30, sous l'eau. Et c'est l'exemple même, ce film, de ce qu'est la crise du cinéma aujourd'hui. On dit qu'il manque des producteurs, il manque des scénaristes. Le film de Luc Besson manque à la fois de producteurs, de scénaristes et même de metteurs en scène. Sonné, anesthésié, livide, le réalisateur du Grand Bleu refuse de s'exprimer. Il semble même résigné à ne plus pouvoir se battre. Non, il n'en a plus la force ni l'envie. Alors la critique peut continuer à s'acharner. Le Grand Bleu lui semble destiné à s'enfoncer dans les profondeurs du désarroi. Les chiffres des entrées en salle donneront raison aux journalistes. 60 000 spectateurs en une semaine, c'est peu, trop peu vu le budget colossal du film. C'est donc dans ce contexte que 3 jours après la montée des marches de Cannes, Luc Besson est au chevet de sa fille à l'hôpital. L'opération du cœur de la petite Juliette doit durer 2 heures. 4 heures plus tard, l'enfant est toujours au bloc. Son cœur minuscule bat hors de sa poitrine, aidé par des machines. Seul, assis dans la salle d'attente, Luc Besson, l'homme qui sur ses tournages décide de tout, n'est plus maître de rien. Le réalisateur en vient à penser à son film, à cette énergie folle qu'il a dépensée pendant 2 ans. Le Grand Bleu, son Grand Bleu, lui paraît soudain inutile. Et il en vient à accepter l'échec et se satisfait d'avoir au moins pu réaliser son rêve. Au bout de 6 heures d'intervention, le chirurgien sort du bloc. Le torse nu, le visage exténué, il s'assoit à côté de Besson, l'air grave. Puis il regarde le réalisateur et il lui lance alors « Tout s'est bien passé. Votre fille est tranquille jusqu'à 70 ans. » Juliette sauvée, Besson n'a plus qu'un genou à terre lorsqu'il reçoit un coup de téléphone inimaginable. À l'autre bout du fil, Jean Hellman, propriétaire du cinéma Le Grand Rex à Paris. Hellman est excité. Il part vite, très vite, trop vite. De cet échange, Besson a tout de même le temps de saisir ce qu'il fallait entendre. La salle est comble, les gens font la queue, les spectateurs applaudissent. Il faut que tu vois ça. Alors dans l'heure qui suit, le réalisateur prend place sur le premier vol Air France pour rejoindre Paris. Le soir même, au Grand Rex, il est là, mais en toute discrétion. Caché derrière le rideau, il observe la grande salle. Elle est pleine. Lors de la projection, les gens rient, réagissent, puis se taisent, comme fascinés par la beauté des images qu'ils voient. 2h45 plus tard, tonnerre d'applaudissements. À la sortie, des spectateurs reconnaissent Besson et lui lancent « Votre film est génial, je l'ai déjà vu 2 fois !» Pris de vertige, Luc Besson réalise alors que loin de Cannes, de ses journalistes et de son microcosme, le bouche-à-oreille a fait son œuvre. Le succès public de Grand Bleu est lancé. Il ne s'arrêtera plus jusqu'à devenir phénomène culturel, voire culte. Mais ça, on le saura plus tard. À la mi-juin, lors de la fête du cinéma, le film est en tête du box-office et réalise chaque semaine plus de 400 000 entrées. Et l'engouement ne se limite pas aux salles obscures. Le public se rue chez les disquaires pour acheter le CD de la bande originale. Au total, 1 700 000 copies vendues, ce qui classe la musique du Grand Bleu le triple disque d'or de l'année 88. Les affiches du film, tirées à plusieurs reprises à des dizaines de milliers d'exemplaires, sont en rupture de stock. Sortie quelques mois plus tard, la vidéocassette du film s'écoule à 500 000 d'unités. Ironie de cette histoire, la machine médiatique qui avait agonisé le Grand Bleu se voit obligée de faire marche arrière. Lors d'une projection à Mulhouse, en présence de l'acteur Jean Reno, une journaliste interpelle le comédien sur le rendez-vous manqué du Grand Bleu à Cannes. Le fait de ne pas en faire de promotion, de le présenter à Cannes hors compétition, c'est quelque chose qui a servi le film à votre avis ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le film est numéro 1 en France partout. Mais au départ, je pense que ça ne l'a pas servi. Parce que les critiques l'ont pris mal à Cannes. Ils ont cru que c'était la guerre, alors que nous, on est venus à Cannes pas pour faire la guerre. Empêtré depuis plusieurs années dans une crise et un débat autour de son modèle économique, le cinéma français bénéficie des retombées de la vague du Grand Bleu. Oui, véritable appel d'air pour les salles de l'Hexagone. Le film de Besson tient le haut de l'affiche tout l'été et jusqu'à la fin de l'automne 88. Au total, le Grand Bleu réalise 9 millions d'entrées en France, auxquelles s'ajoutent 5 millions ailleurs dans le monde. Au-delà de ce succès considérable et incontestable, la grande force de Besson est d'avoir fait venir au cinéma des jeunes, des ados, des gamins, des étudiants, qui tous se reconnaissent dans la philosophie de la vie offerte par cette œuvre si différente des autres. Moins d'un an plus tard, Le Grand Bleu ressort en salle, cette fois en version longue, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui font de nouveau la queue sur les grands boulevards à Paris ou dans les cinémas de province. Luc Besson tient sa revanche sur la critique et se permet même une petite provocation. En haut de l'affiche du film, il fait écrire à l'attention des journalistes « N'y allez pas, ça dure 3 heures ». En 2018, pour l'anniversaire des 30 ans de la sortie en salle du Grand Bleu, le Festival de Cannes organise une projection spéciale en hommage à Besson et à son équipe. Film symbole de toute une génération, le Grand Bleu reste aujourd'hui un monument de l'histoire du cinéma français. Suivra pour Besson en 90 et pour notre plus grand bonheur, un polar époustouflant, si différent des autres lui aussi. Un coup de poing artistique qui commence par le braquage dramatique ultra-violent d'une pharmacie dans un univers bleu acier. Un choc dès la première image, d'une incroyable efficacité. Le reste est une histoire aussi originale que captivante, servie par au moins 2 acteurs prodigieux dans ce film, Anne Parillo et Checky Cario. Le titre de ce film tient en un prénom, Nikita. No more sun, no more wind. searching for something that I'll never reach. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du film Le Grand Bleu de Luc Besson. Notre invité, Guillemette Audicino. Bonjour. Bonjour. Journaliste, bien sûr, et critique cinéma pour Télérama. On peut vous entendre chaque vendredi matin, demain matin d'ailleurs, dans l'émission de notre ami Ali Rebéi pour votre chronique L'Ami du Vendredi. Je voudrais éclaircir un point d'emblée. Ce récit peut apparaître comme une critique du métier de critique. oui. Bon, en fait, non. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier utile, qui est un rempart au marketing, sinon on a du fric et on fait ce qu'on veut. Bah non, il y a justement la critique, elle est faite pour ça, donc elle peut choquer. Il y a des gens qui se disent mais c'est terrible ces critiques, qui ont jamais fait un film et qui cassent un film. Mais non, c'est un métier vraiment utile. Il fallait, je crois, le dire. C'est pas vous qui me tirez le contraire. Il y a des fois la critique peut aussi là dans le cas de Besson, booster c'est un peu compliqué, ouais, mais oui, il y a vraiment des cas où la critique peut être utile pour suffisamment donner d'ampleur et de visibilité à un film et lui apporter du succès alors que c'était pas forcément prévu au programme. Donc la critique peut être bénéfique aussi. Mais bien sûr, elle un vrai tremplin. En tout cas, elle est utile. Voilà. Oui. C'est là-dessus que je voulais insister. Ben, puisque vous êtes critique, et vous avez critiqué le film ou alors vous étiez trop jeune. Non, j'étais trop jeune. Bon. J'étais pas encore devenue journaliste de qu'est-ce cinéma. Que vous très cher. Qu'est-ce que vous auriez dit et écrit sur ce film? Ah, c'est compliqué en fait, parce que de toute façon, il y a vraiment, par rapport à certains films qui sont devenus cultes, comme vous l'avez dit... Ce qui est vrai, d'ailleurs. Oui, on peut difficilement, après, les extraire de ce qu'ils ont représenté pour une époque et pour une génération. Parlons contexte, hein, disons, voilà. Mm-hmm. Je pense, moi, je l'ai découvert comme une spectatrice lambda à l'époque. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup aimé ça. Je n'étais pas critique encore à l'époque, mais j'ai trouvé ça un peu longué et un peu candide. Mm-hmm. Mais... j'ai quand même été touchée par, évidemment, la beauté des images, la question se pose pas. Et je comprends aussi à quel point ça a pu devenir un film générationnel pour une certaine jeunesse, en plus, parce que on a bien entendu, si on entend le sous-texte de tout ce qui a été dit tout à l'heure, on entend le personnage dire « je vais très profond ». Et il me faut vraiment une bonne raison pour avoir envie de remonter. C'est aussi noir que bleu, en fait. C'est très noir, en fait. C'est un film qui est à la fois très candide, très enfantin, sur un rêve comme ça, sur un défi entre deux gamins, ouais, etc. Et c'est en même temps un film sur le suicide. Bien sûr. C'est vraiment clairement... c'est le liquide amniotique, donc c'est réconfortant. Et de l'autre côté, ce sont les abysses. On peut ne pas en ressortir. Donc pour un adolescent, pour un public adolescent de l'époque, c'était une espèce d'énorme métaphore entre, pour aller vite, le ventre de la mère et le suicide. Comment voulez-vous que ce truc ne marche pas auprès de la jeunesse? C'est tout à fait normal. Et cette musique complètement planante, il y avait plein de choses autour de ça qui pouvaient vraiment émouvoir le grand public. Et après, la critique, elle avait le droit de dire que bon, tout ça n'était pas d'une... comment dire? Elle a le droit de tout dire, d'ailleurs. Elle a le droit de tout dire. Ça a toujours été le problème avec les films de Luc Besson. C'est-à-dire que ce sont souvent de grands projets qui fascinent par leur ambition, par ce côté petit garçon qui tape du poing sur la table en disant « je veux que mon jouet ressemble à ça et j'irai au bout de ça ». Et en termes de scénario, c'est jamais d'une très grande complexité, disons, pour être gentil. Alors, concernant la longueur du film, on imagine mal qu'il puisse y avoir un autre rythme que celui-là, parce que l'histoire est langoureuse, le monde dit silence, c'est très langoureux, et il faut pas confondre lenteur et mollesse. Regardez, Kubrick ne fait que des films lents, c'est que des chefs-d'œuvre. Est-ce qu'il y a de la mollesse dans ce film? Non, je pense pas qu'il soit... D'où vient l'ennui, s'il y a l'ennui, à votre avis? Bah, je pense que là, vraiment, on se resitue. Il faut se resituer, puisque c'est ce que vous avez brillamment raconté. Il faut se resituer à Cannes. Le film est très attendu. Il y a tout. Ouais. Plus on crée d'attente, de mystère autour d'un film, plus un tournage est interdit, plus, comme ça, la tension monte, et plus, évidemment, quand il est projeté, c'est vraiment le cas de le dire, projeté à Cannes, la réaction peut être violente. Donc, Ce film arrive à Cannes, il dure longtemps, et pour des critiques, disons, professionnelles, la mise en scène n'est pas la hauteur du projet. Alors certes, c'est fascinant, c'est une plongée, mais au bout d'un petit moment, si des chaises commencent à claquer et que des critiques commencent à se lever, c'est que, en termes de narration, on ne leur raconte pas assez de choses. Donc ça ne tient pas ses promesses. En fait, il est tombé dans son propre piège, en instaurant le mystère. Pas que lui, hein, d'ailleurs, aussi. La oui, parce que c'est pas que lui. Évidemment. Hein. C'est pas que lui. Bah, il est tombé un peu dans le piège de sa propre fascination. Après, c'est pire. Oui, et de sa propre ambition par rapport à son film. Il voulait. J'ai adoré la phrase de Bertrand Blier. C'est un film sur la flotte. Très bien. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est fasciné par la flotte. Blier, on l'écouterait parler des heures. Donc, c'est vrai que cette ambition, elle est louable. C'est un petit garçon qui fait un film de 75 briques sur la flotte. Bon, le problème, c'est que quand un critique de cinéma qui est censé quand même à un moment donner une opinion, disons, un peu artistique, se retrouve en face de 2h30 sur la flotte, il a le droit de dire que ça manque un tout petit peu de chair. C'est vraiment le cas de le dire, hein. Mais en revanche, on peut comprendre après que dans une salle classique, le Grand Rex, un public complètement complice, un public de 18 ans, de 20 ans, puisse accepter, là, en revanche, de s'immerger. C'est le cas de le dire. Et d'être pris par ce grand caprice d'enfant, quoi. Alors, une question qu'on pose souvent pour des films qui ont eu un grand succès, qui ont marqué, est-ce qu'il a bien vieilli ? C'est-à-dire, si on le regarde aujourd'hui, et en fonction de ce que vous disiez, attaché à un contexte, est-ce qu'on s'y retrouve ? C'est une grande question. Je ne suis pas sûre qu'il ait très bien vieilli, pour être tout à fait honnête. C'est comme, après, la BO d'Éric Serra reste culte, mais on vient de l'entendre. Il y a quelque chose de ces so 80s. C'est tellement années 80, ce bleu, mais qu'on a retrouvé d'ailleurs dans d'autres films et d'autres réalisateurs de l'époque, hein, qu'on a retrouvé dans Diva de Benex, qu'on a retrouvé... La Lune dans le caniveau aussi. La Lune dans le caniveau. Il y avait comme ça une esthétique, une espèce de bleu là qui inondait, c'est le cas de le dire, tous les écrans de certains jeunes cinéastes de l'époque, une musique tellement années 80. Alors, c'est à la fois beau que ça représente cette époque... Et un peu compliqué à revoir aujourd'hui. Oui, ça a vieilli. Mais je pense que c'est... En fait, c'est intéressant et bien que ça ait vieilli. Je pense que ça va même dans le sens de ce que Luc Besson voulait. C'est un caprice d'enfant qui est devenu un petit peu grand dans les années 80. Bon, bah, les jouets des années 80, bah, ça vieillit un peu. Certes. C'est logique. Ça me renvoie à des souvenirs, je vous dis ça. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Stéphane Escher, Ma vie préférée. Ne rien devoir, ne rien vouloir, ne rien raconter, seulement écouter. Dormir dans l'après-midi, être éveillé avant minuit, et tisser des chansons avec toi à ma côté. Je pense que ce serait, je pense que ce serait, je pense que ce serait ma vie préférée. Et parfois chantonner, et si deux mots se marieraient, être surpris, être émerveillé, ce hasard entre futur et passé, et te tenir sous les vignes. Je pense que ce serait, je pense que ce serait, je pense que ce serait ma vie préférée. Inter. Affaires sensibles. Aujourd'hui, l'histoire du Grand Bleu, on en parle avec Guillemette Audicino, critique cinéma. Alors, après le blues de Cannes, le bleu du public. Donc, on l'a raconté, Luc Besson s'aperçoit, quand le directeur du Grand Rex l'appelle, que son film marche très bien auprès du public. C'est un soulagement. Et Besson en tire une leçon, c'est intéressant. 7 ans après la sortie du film, il s'exprime au micro de France Inter. Nous sommes le 14 janvier 1995. Les gens, maintenant, ils font un petit peu moins attention, et ils ont raison, aux critiques, aux battages publicitaires, à toutes ces choses-là. Ils attendent un peu que se dégage une espèce de code d'amour, comme ça. Bon, bah, y a des amis à eux qui le voient, etc. On en parle, on dit non, vraiment, c'est bien, il faut y aller. Et à ce moment-là, le grand public se décide à y aller. Et sincèrement, je trouve ça beaucoup mieux. Parce que le jour où votre film, il marche pas, eh ben, c'est que vous avez mal communiqué ce que vous vouliez donner, et c'est de votre faute. On vient de faire une tournée en province de 20 villes. Je l'avais déjà fait sur Subway. J'estime que c'est quelque chose de nécessaire, en tout cas pour moi, parce que j'ai besoin du reflet direct de la personne qui reçoit le film. J'ai appris en tout cas que les gens étaient beaucoup plus sensibles que ce que je pensais un peu avant. Et je m'aperçois qu'ils sont totalement ouverts à l'amour, totalement ouverts à l'amitié. Et ça c'est une grande leçon pour moi déjà. Donc quand de temps en temps ils ont une espèce de message souriant et bleu, qui ressemble à un dauphin, comme ça, bah, ça leur fait plaisir, ça les touche, quoi. C'est un Besson apaisé, dites-moi. Oui, alors, ce que je trouve quand même assez piquant, c'est qu'on a l'impression qu'il découvre l'eau tiède, il découvre le bouche à oreille. Oh, là, il est en train de nous dire que c'est incroyable, le bouche à oreille, c'est fou. Il y a des gens qui disent à d'autres gens qu'il faut aller voir des films parce qu'ils sont bien. Oui, évidemment que le bouche à oreille a toujours fonctionné. On n'a quand même pas attendu le Grand Bleu pour que le bouche à oreille sanctifie ou sauve certains films. Et après, ce côté, voilà, d'un côté, il y a le public, de l'autre côté, il y a la critique. C'est pas si simple, quand même, cher Luc. Évidemment que là, le Grand Bleu a été un exemple frappant. Mais il faut pas oublier que le Grand Bleu, même au moment de Cannes, a été soutenu par une partie de la critique. Le Monde, et je crois même, il y a des journaux très intello, et même les Cahiers du cinéma, à l'époque, qui ont dit que dans sa forme de film d'auteur, parce que ça, effectivement, qu'on le trouve candide ou cucu, c'est un film d'auteur, quoi que ce soit, c'est un film d'auteur, dans toute son acceptation du terme, puisque c'est l'obsession d'un auteur. Donc, ce film-là avait été défendu par les Cahiers du cinéma. Et par Télérama, ça avait été défendu? Ça, je ne me souviens pas, très cher, mais je ne pense pas. Je pense pas à l'époque. Mais en revanche, être défendu par les Cahiers du cinéma. Donc, Luc Besson a eu sa part aussi de bonnes critiques. Mais, je pense qu'effectivement, à partir du moment... C'est arrivé dans la carrière de beaucoup de gens après Cannes. C'est arrivé avec Jean-Paul Belmondo. Mmh. Jean-Paul Belmondo, dans les années 70, il arrive tout fier avec un film d'Alain René qui s'appelle Stavisky. Il a même produit le film. Sur l'affaire Stavisky. Sur l'affaire Stavisky. Mmh. Il est tout content, sauf qu'à Cannes, c'est une... Vraiment, mais c'est une cata. Ouais. Le film est sifflé, il est accueilli avec une froidure atroce. Belmondo est vexé à mort et se dit, bon, puisque quand je vais à Cannes avec un film d'auteur, ça ne marche pas, j'arrête le cinéma d'auteur. Et à partir de là, il ne fera plus que des films vraiment ouvertement populaires et en jouant beaucoup les policiers, les voyous, etc. Donc, Cannes, effectivement, peut vexer à mort un créateur, un acteur, un réalisateur. Mais... Besson, après, dans d'autres films suivants, a été plus ou moins soutenu par la critique. Mmh. Certains de ses films ont eu de bonnes critiques. On en parlera après de la suite de sa carrière. Vous l'avez rencontré, peut-être même plusieurs fois, interviewé en tout cas. Je l'ai, quel bonhomme est-il? Bon, déjà, c'est compliqué de parler, il faut quand même le dire, on peut pas non plus parler comme ça de Besson sans préciser qu'il est visé par des accusations de viol. Mais vous l'avez rencontré avant, c'est compliqué. Moi, je l'avais rencontré avant, j'avais fait une émission avec lui. Et en fait, il est exactement comme on l'entend dans les extraits, c'est-à-dire c'est étrange. C'est un peu un enfant bulle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, même à 50 ans, vous parle comme un adolescent boudeur. Facilement blessé par la critique, en même temps encore plein de ses rêves. C'est quelqu'un qui est coincé dans une espèce d'adolescence éternelle, qui peut le rendre très créatif, qui peut le rendre aussi complètement, à mon avis, de temps en temps exclu du monde, et qui peut, à mon avis, aussi provoquer des problèmes dans son comportement. La particularité de l'âge adolescent, c'est de se chercher. Il se cherche. Il s'est pas trouvé. Bah après, c'est tellement... Vous vous rendez compte, il a créé un empire après, hein, quand même, à un moment. Hein. Oui, producteur, bien oui, sûr. Il a vraiment créé un empire en tant que... Il a réalisé son rêve d'être une espèce de héros à l'américaine du cinéma français. Ouais. Avec ses propres studios de production, avec une manière de dire, moi, mes rêves d'adolescent, je vais les construire moi-même. Je vais aussi permettre à des jeunes gens comme moi, dont des jeunes réalisateurs, etc., de venir produire leurs films chez moi. Donc, il a créé une espèce comme ça de machine rêvée. Son grand Lego, là, il a construit son très, très, très grand Lego. Hein, il a son bateau de pirate, il l'a construit. Mais il a, pour ça, eu des comportements, à mon avis, condamnables, ça c'est sûr. Alors, il était connu par Subway, on peut le dire, hein, c'est Subway qui l'a révélé. Oui, tout à fait. Bon. Bah, c'est parce qu'il a la chance, vous vous rendez compte, il y a Isabelle Adjani. Ouais. Bon, Christophe Lambert, mais Isabelle Adjani qui joue dans Subway, oui. C'est un truc de dingue. Et puis c'est un film original, quel est votre regard sur ce film-là? Alors Subway, c'est vraiment, alors là pour le coup, le film, peut-être effectivement avec Diva comme on disait tout à l'heure, c'est le film symbole des années 80. Ouais. Il y a tout dedans, il y a déjà du bleu. Hein, vous regardez les boucles d'oreilles de Isabelle Adjani dans Subway, elles sont bleues comme le futur grand bleu. Il y a cette manière de jouer avec les clichés du métro. Il y a cette, j'allais dire, modernitude de l'époque, c'est-à-dire, il y a Jean-Hugues Anglade sur des patins à roulettes, il y a cette scène qui dure 2 secondes et demie, mais qui est culte pour tous les gens qui aiment Jean-Pierre Bacri. Parce que justement, il court après le roller, et il arrive sur le quai du métro, il le loupe, et il crie, pardon, hein, mais un chier monumental, parce qu'il a loupé. Bon, il y a comme ça, il y a Galabru. C'est joli, c'est-à-dire que ça, c'est Luc Besson qui va convoquer à la fois des vieux talents, Galabru, Jean Bouise, et qui met aussi évidemment toute la nouvelle génération à l'écran, qui fait une espèce de mélange dans une ambiance un peu de BD. Ça c'est le Besson, le cinéma de Besson qu'on aime en fait, parce ouais. que celui-là il est tellement BD que pour le coup il ne vieillit pas. Alors on va donner un peu dans l'uchronie, mais imaginons que le Grand Bleu ait été construit, confectionné, soit sorti là en ce moment, il aurait été dans l'air du temps, parce qu'il est quand même très écolo ce film. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On oublie un peu cette dimension. Il est très écolo. Hein. Il est très très écolo. Une ode à la nature, à la mer. Oui, une ode à la nature et une ode. C'est très, en plus, comment dire, c'est pratiquement... On donne le pouvoir aux animaux, c'est-à-dire même si un dauphin nous dit ne remonte pas, on ne remonte pas. Hein. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'une espèce de fusion comme ça avec le règne animal qui est très très très contemporain, effectivement. Et oui. Après, c'est sur la forme. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui un film serait réalisé de cette manière-là? Est-ce qu'aujourd'hui on mettrait 75 millions pour ça? Ah. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne ferait pas encore plus de bruit et de scandale d'accorder 75 millions aux caprices d'un enfant qui aime la flotte? Voilà, c'est un film sur la flotte. Un film sur la flotte. Vous connaissez c'est toujours le même chose. Un film écolo, c'est un film tourné dans des conditions écolo. D'accord. Donc avec lequel on essaye de pas trop dépenser non plus. Ouais. Donc il est possible que la taxe carbone à l'époque du Grand Bleu soit pas très écolo. Donc, comment on fait aujourd'hui un Grand Bleu vraiment écolo? Voilà. Bon. Faudrait réfléchir là-dessus. Bon, on va finir. Dans un bocal, dans une piscine, hein, là, pour le coup. Voilà. Ben voilà, c'est ça la réponse. Ce sera le mot de la fin, Guillemette. Audicino, je vous dis à demain sur l'antenne de France Inter. Mais oui. Demain merci matin. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Le Grand Bleu, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.